tu abandonnes alors les trésors d'Eldorado, avec des mots aussi menaçants que la mort. Ni l'orchidée, ni le colibri ne t'émeuvent plus. Il s'efface, tout comme mon allure, dans la brume. Je ne te reconnais pas en celle qui s'éloigne, me rejetant sur les rivages des Caraïbes. Mon aimé affrontait jadis colère et tristesse, sans jamais céder à la distance ni au désespoir. Les vestiges de l'union que je croyais heureuse demeurent dans la maison à peine construite, stérile par ta volonté, à présent fissurée. Avec elle, c'est moi qui meurs à chaque pas. Où sont passées tes tendres étreintes? Où sont les jeux que nous inventions? M'agrippant à tes serments écrits, je t'attends encore, comme un innocent coupable qui nie sa sentence.